rapide dans la soupe. Ça risque de chibrer tes billets façon Berlan, place de Berlan. Pour la jute toute fraîche, prends de l'an. Bordeaux à travers mon micro. Wesh gros, tu peux pas test, c'est pas comme la vie de la test. Là-bas c'est pas le best, eux ils sont à l'ouest. Je représente aussi leur monstre, nous on les obéit, ça c'est le pied. Je rappe comme si j'avais la dalle, mais je joue pas au tennis comme Rafael Nadal. Bordeaux, Bordeaux, tu peux pas test. Leur monstre, nous on t'attend pour te foutre la hesse. Nous on est là pour te faire taire et te faire bouger comme la mer. Toi tu mens comme si les poules avaient des dents. Tu penses qu'à toi, il faut que tu penses aux autres une nouvelle fois. Et fais en toi et tu verras que la vie pensera à toi. Pense à ton avenir pour te dire que toute ta vie est devant toi. Bordeaux, Bordeaux, tu peux pas test. Leur monstre, non, t'attendent pour te foutre la hesse. Il y a ce billet, car j'en veux à la justice. À ceux qui reprochent, à ceux qui marchent à se penser. Je veux penser, c'est mon train à W. Ok, je représente Bordeaux à travers mon micro. Ouais, gros, tu peux pas test, c'est pas comme la vie de la test. Là-bas, c'est pas le best, eux, ils sont à l'ouest. Je représente aussi leur monstre, nous, on les obéit, ça c'est le pied. Je rappe comme si j'avais la dalle, mais je joue pas au tennis comme Rafael Nadal. Bordeaux, Bordeaux, tu peux pas test. Leur monstre, nous, on t'attend pour te foutre la hête. Nous on est là pour te faire taire et te faire bouger comme la mer. Toi tu m'entends comme les poules avec les dents. Tu penses qu'à toi, tu penses aux autres.